Le préfet poursuit en vain son discours et ses efforts pour établir la paix entre les deux familles lorsque survient un bandit, Brandolaccio, mandé par Colomba. Il apporte des révélations accablantes pour les Baricini. À la suite d'une scène violente, Orso provoque en duel Orlanduccio, un des deux fils Baricini, mais ce fils refuse ce combat loyal. Le lendemain, Orso doit partir à cheval avertir le colonel Neville et sa fille que leur venue est inopportune dans un village en guerre. Colomba blesse alors elle-même le cheval que son frère devait prendre et lui fait croire que cette blessure a été causée par leurs ennemis. Orso refuse encore de se venger et part avec un autre cheval rejoindre le colonel et sa fille. En cours de route, Kilina, une gamine, avertit Orso qu'Orlanduccio l'attend, non loin de là.